Chapitre 2e. 5 heures sonnaient à l'église de la Trinité. La banque Schmetterlin allait fermer ses bureaux. On désarmait les revolvers, et l'inspecteur de police, qui avait attendu en vain toute la journée, s'apprêtait à congédier ses hommes et à faire son rapport. Soudain, un grand monsieur brun, très élégant, qu'on n'avait jamais vu rue de la Victoire, entra à la caisse. Il avait des allures un peu étranges, pas précisément celles d'un bandit corse, si vous voulez, mais pas davantage celle d'un honnête bourgeois qui vient toucher un chèque. « Monsieur le baron Schmetterlin ? » demanda-t-il au caissier qui faisait jouer négligemment les batteries d'un colt derrière son grillage. « Monsieur le baron n'est pas à Paris. Mais si monsieur veut bien me passer sa carte, je préviendrai le secrétaire qui pourra recevoir monsieur. »« Ma carte est inutile si le baron est absent, » dit l'inconnu, qui avait évidemment des raisons pour ne pas divulguer son nom. « Sait-on quand il reviendra ?» À ce moment, le petit père Antoine, prévenu, parut derrière le grillage, les mains fourrées dans les goussets de son pantalon qui recelait la mort de 14 hommes. Derrière le monsieur brun, le garçon de caisse s'approchait sur la pointe du pied, tenant, dissimulé derrière son dos, la lame de son sabre. L'inspecteur faisait semblant de lire un journal. De l'autre côté d'une porte, les agents préparaient leurs menottes. « Monsieur demande le baron Schmetterlin ?» interrogea Antoine avec un sang-froid qui l'étonnait lui-même. « Oui, on me dit qu'il est absent. Il est peut-être à Ville-d'Avray ?» dit l'inconnu. « En ce cas, il sera ici demain matin. »« Le baron n'est ni à Paris ni à Ville-d'Avray, monsieur, » reprit le secrétaire d'un ton sec. « J'ignore quand il sera de retour. »« Cela suffit, » dit le visiteur étrange. Et sans ajouter un mot, il sortit. « Vous ne l'arrêtez pas ?» cria tout le monde à l'inspecteur qui se levait tranquillement en pliant son journal. « On n'arrête pas comme cela, » répondit le disciple de Vidocq. « Mais soyez tranquille. » Quand nous serons fixés sur le compte du particulier, ça ne fera pas long feu. Laissez-moi faire. » 2 minutes après, l'inconnu, soigneusement filé, rejoignait une Victoria de remise qui l'attendait au coin de la chaussée d'Antin et s'éloignait, sans se douter qu'un fiacre, chargé de 3 messieurs mal mis, brûlait le pavé derrière lui. Successivement, les 2 véhicules se rendirent, l'un précédant l'autre, au hammam, station 1 heure, chez un coiffeur de la rue Tronchet, station de 25 minutes, au bois, à la cascade, où les 3 détectives dînèrent, aux frais du baron, à la table voisine de celle de l'inconnu. Il mangea et but copieusement, mais on remarqua qu'il avait l'air préoccupé et qu'il tirait souvent sa montre. À 9 heures, après avoir fumé son cigare, il remonta en voiture pour en redescendre presque immédiatement. Il renvoya la Victoria et on l'entendit se dire à lui-même tout haut. Après tout, c'est encore le plus sûr. La nuit devenait sombre. Il se dirigea vers la Seine, à pied, franchit le pont de Suresnes, atteignit la gare et s'informa du passage du premier train pour Ville-d'Avray ainsi que des trains revenant à Paris dans la nuit. L'heure venue, il monta en wagon, toujours serré de près par les 3 compères qui se sentaient sur une bonne piste. « Que diable peut-il aller faire à la villa puisqu'il sait que notre client n'y est pas ?» disait l'inspecteur à ses hommes. « Mettre le feu, peut-être ? Enfin, nous allons bien le savoir. » On descendit à Sèvres. Il faisait nuit à distinguer à peine les arbres du chemin, mais le malfaiteur marchait d'un bon pas, sans hésiter, ayant presque sur ses talons les agents qui se glissaient silencieusement avec une adresse de Peau-Rouge. Sans doute il avait reconnu les lieux dans la journée. Soudain, l'homme suivi s'arrêta. On l'entendit plutôt qu'on ne le vit escalader le mur d'un parc. Les agents se précipitèrent, et au moment où il enjambait le chaperon en briques, il fut saisi à chaque jambe par 2 poignets vigoureux qui ramenèrent sur la voie publique les jambes et le reste. L'inconnu était jeune et robuste. Il engagea avec les hommes de la police une lutte acharnée qui faillit, durant un instant, tourner en sa faveur, parce que l'inspecteur et un de ses acolytes, trompés par l'obscurité, se prenaient mutuellement pour le criminel et cherchaient réciproquement à se passer les menottes. Mais force resta la loi. Une demi-heure plus tard, les agents montaient en wagon en compagnie de leurs prisonniers, qui, avec ses vêtements déchirés et souillés, sans coiffure, les cheveux hérissés, les menottes au poignet, avait l'air du plus dangereux des assassins. À la villa Schmetterlin, on ne se doutait pas du drame qui venait de s'accomplir. Dans un charmant boudoir japonais, tout plein de fleurs, d'oiseaux rares et d'étoffes précieuses, une très jolie femme blonde, vêtue légèrement d'un fouillis de dentelle et de foulard bleu turquoise, s'impatientait sur sa chaise longue, et regardait la pendule en agitant nerveusement son petit pied chaussé de soie. Dans le fossé du chemin, au pied du mur du parc, un objet piteux, informe, problématique, gisait au milieu d'une flaque de boue. C'était, en y regardant de plus près, un chapeau, plutôt ce qui restait d'un chapeau. Sur le satin blanc de la coiffe, un savant, habitué à déchiffrer les hiéroglyphes, aurait pu reconnaître un H surmonté d'une couronne de vicomte. Et déjà, sur le fil électrique, une dépêche courait vers Bruxelles portant ces mots au baron. Paoletti arrêtait tout à l'heure au moment où il escaladait le mur de votre parc à Ville-d'Avray. On a beau dire, la police est rudement faite à Paris, dit Schmetterlin en lisant le télégramme, non sans éprouver un petit frisson entre les épaules. Puis, comme l'express n'était pas encore parti, il se fit conduire à la gare, et le lendemain matin, de bonne heure, il franchissait la grille de sa villa. « Chère petite, » s'écria-t-il en embrassant sa femme, fort peu charmée de ce nouveau genre de surprendre les gens, « tu ne te doutes guère de ce qui a failli t'arriver cette nuit. » Tout à fait réveillée à ces mots, la baronne un peu pâle se mit sur son séant. « Et vous non plus, » pensa-t-elle. Puis tout haut, « qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Paoletti, tu sais, l'homme des pétroles du Tonkin. Eh bien, on l'a arrêté cette nuit à cheval sur le mur du parc. Avoue que j'ai bien mené l'affaire. »« Mais vous êtes bien sûr que c'est Paoletti ?» fit-elle, s'oubliant. « Ça a été joliment combiné, n'est-ce pas ?» J'ai toujours pensé que j'étais fait pour être chef de la sûreté, mais pour le moment je cours à la conciergerie. Il faut, si c'est possible, que cette affaire ne s'ébruite point. Ces coquins de journalistes l'exploiteraient contre ma banque. Ainsi, ma chère, pas un mot de tout cela, s'il vous plaît. Et je mets dans la partie profonde, affairée, mais radieux. Quant à la baronne, elle ne songea nullement à s'évanouir comme d'autres l'eussent fait à sa place. Mais elle laissa échapper entre ses lèvres roses un petit juron qui devint charmant en sortant de cette jolie bouche. Puis elle se mit à réfléchir sérieusement. « Allons, » dit-elle en sonnant sa femme de chambre, « il faut être prête à agir. Rien n'est perdu. Il est si bête. Et puis heureusement, il n'a jamais vu des ristales. Ah, celui-ci, voilà encore un imbécile. »